Complainte de l'organiste de Notre-Dame de Nice. Voici que les corbeaux hivernaux ont psalmodié par une cloche. Les averses d'automne sont proches. Adieu les bosquets des casinos. Hier, elle était encore au plus blême, et son corps frissonnait tout transi. Cette église est glaciale aussi. Ah, nul ici-bas que moi ne l'aime. Moi, je m'entaillerai bien le cœur pour un sourire si triste d'elle, et je lui en resterai fidèle à jamais dans ce monde vainqueur. Le jour qu'elle quittera ce monde, je vais jouer un miséréré si cosmiquement désespéré qu'il faudra bien que Dieu me réponde. Non, je resterai seul ici-bas, toute la chair morte phtisique, berçant mon cœur trop hypertrophique aux éternelles fugues de Bach. Et tous les ans, à l'anniversaire, pour nous, sans qu'on se doute de rien, je déchaînerai ce requiem que j'ai fait pour la mort de la terre.